Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Lisa Delmoitié. Salut Sofiane. Salut, comment tu vas? Mais ça va très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Le plaisir est partagé. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'ai une... Donc je réfléchissais en préparation de notre rencontre, Sofiane, à des anecdotes et c'était pas évident pour moi de penser à une bonne histoire parce que moi je trouve que les galères les plus traumatisantes et les bides les plus traumatisants sont en fait des histoires assez banales. Enfin, je peux avoir des histoires de soirées épiques où tu te retrouves dans des endroits impossibles et tu te prends des bides, mais finalement, c'est pas vraiment ça qui traumatise parce que, ok, si tu te retrouves dans une soirée et en fait, tu te rends compte que c'est une communion dans la banlieue de Roubaix, d'office, tu vas te prendre un bide. Mais limite, c'est pas un bide qui va te traumatiser parce que c'est garanti que tu vas bider, donc il n'y a plus trop d'enjeux. Oui, parce qu'à la base, l'humour n'était pas le bienvenu là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, limite, tu vas monter sur scène en étant sûr que tu vas te planter. Et peut-être tu vas pas te planter parce que ce genre d'attitude peut plaire au public aussi. T'as le côté, j'ai plus rien à perdre. Et parfois, souvent même, quand t'as cette attitude-là, finalement, tu bides pas parce que t'es tranquille, quoi. Et à l'inverse, moi, j'ai l'impression que les bides qui me hantent encore la nuit, c'est des soirées où ça peut être dans un comedy club ou dans un bar, mais où de manière générale, l'ambiance est bonne, le public est là pour ça. Tu passes avec d'autres et tout se passe bien, tout le monde fait des bons passages. Ceux qui repartent après disent ouais, franchement, ils sont chauds, c'est bien. Et puis toi, tu passes et t'es le seul à bider. Et finalement, c'est vraiment ces soirées-là, en fait, qui sont pas les meilleures anecdotes, mais qui sont les plus traumatisantes parce que tu peux pas blâmer l'endroit, tu peux pas blâmer le public. Et c'est vrai qu'on en parle souvent avec les humoristes. Quand toi, tu bides et que tout le monde bide, il y a une espèce de communion entre les humoristes. Genre, t'as vu, c'était dur et tout. Mais quand c'est toi seul qui bide et que tout le monde a cartonné, là, ça fait mal. Mal au plus profond de ton âme, tu sais. Ouais. Et après, tu vois que les autres osent plus te regarder dans les yeux. C'est vraiment horrible. Moi, la plupart de mes bides sont comme ça. J'ai quand même en tête... un beat qui est comme ça dans le sens que la soirée était cool et absolument pas catastrophique. Mais pour moi, elle l'était. Donc, c'était dans un bar à Bruxelles. Mais c'était donc une soirée stand-up. Est-ce que c'était payant? Je sais plus. Mais enfin, une bonne soirée. Moi, c'est la première fois que j'allais là. Mais en arrivant, les gens m'ont dit « Ouais, franchement, c'est toujours chouette ici. Bonne ambiance, le public est bien. » J'étais relativement loin dans la line-up. Donc, a priori, dans une bonne position. Ouais. Et tout le monde passe, ça se passe super bien, le public est super chaud. Et puis moi, je monte. Et je regarde le premier rang, je scanne un peu le premier rang, et je tombe nez à nez avec mon ancienne psy. Oula. Ouais, qui est au premier rang. Et qui sait tout de toi. Et qui sait tout de moi. Et donc, j'ai vu sa tête, j'ai complètement perdu mes moyens. Je me suis décomposée et donc j'ai fait 12 minutes qui m'ont semblé être 2 heures de bide en sentant son regard sur moi. Ouais. Et en plus, cette psy, j'avais été la voir à l'époque et je ne faisais pas de stand-up à ce moment-là, mais je lui avais dit que je rêvais de faire du stand-up. Et elle m'avait dit, mais vas-y, mais allez-y, faut aller au bout de vos rêves et tout. Et là, je sentais qu'elle se disait, mais pourquoi je lui dis d'aller au bout de ses rêves? Est-ce que le lendemain, tellement le doute l'a rongé et le remords, tu vois, est-ce que le lendemain, elle a fermé son cabinet de psy? franchement, je ne sais pas. Il faudrait que je vois si elle consulte encore. Mais à mon avis, elle doit se dire, non, je vais quand même réfléchir à deux fois avant de dire à mes patients pour tous leurs rêves. Non, mais tu sais. Franchement, là c'est un bide auquel personne n'aurait pu échapper, je pense, parce que si t'as quelqu'un Déjà, de voir quelqu'un qui te connaît tout court, des fois, moi, ça me déstabilise un petit peu. Bon, du coup, j'évite son regard. C'est pour ça, je le dis aux personnes qui nous écoutent. Si jamais j'ai des amis qui nous écoutent, vraiment, ne vous inquiétez pas. Quand je ne vous regarde pas dans la salle, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. C'est parce que si je vous regarde, je vais perdre mes moyens. Et voilà. Mais donc, c'est vraiment là, non seulement quelqu'un que tu connais, ça va faire cet effet, mais surtout, toi, c'est quelqu'un à qui tu t'es confié sur tes problèmes, tu vois. Et du coup, tu as dû avoir peur. Je veux dire, moi, franchement, c'est pas. Tu arrives sur scène et tu fais, ouais, donc j'étais avec mon mec, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et là, la psy qui tu vois, genre, qui déclenche. Non, non, non, non, non, c'est pas vrai. Elle est célibataire, elle m'en a parlé encore la semaine dernière. C'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. Donc, tu as l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de toi pendant que tu joues. Donc, vraiment, je comprends totalement ton appréhension et le fait que tu es bidé. Franchement, je connais personne qui n'aurait pas bidé ce soir-là, quoi. Ouais, je pense aussi, et enfin surtout que moi j'ai vraiment, maintenant ça commence à aller, mais moi j'avais vraiment, je disais vraiment à mes amis, ne venez pas me voir, parce que rien que l'idée de faire ça devant quelqu'un que je connais, enfin ça me terrorisait. C'est seulement vraiment récemment que je les autorise, on va dire, à venir. Et du coup, je jouais jamais devant des gens que je connaissais. Et donc, ouais, je me suis retrouvée face à cette psy. Surtout que bon, moi, le type d'humour que je fais, enfin, comme beaucoup, hein, c'est quand même à chaque fois des anecdotes pas très reluisantes sur moi. Et du coup, si ça rigole, c'est très rigolo. Mais si ça rigole pas, c'est juste 12 minutes de toi qui partage trop d'informations sur toi et de plein de gens qui sont gênés que tu racontes ça. C'est 12 Et minutes de thérapie en fait. ouais, en fait, c'est ça, c'est 12 minutes de thérapie en public, sauf que là, ma psy était là, mais je rejouais un peu ce qu'on avait fait 2 ans avant, quoi. Est-ce qu'elle a fait, à chaque fois que tu faisais une vanne, est-ce qu'elle faisait le fameux bruit que font tous les psychologues? Ouais, à la fin, elle m'a dit, ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Non, c'était horrible. Et à la fin, ah ben non, mais voilà, c'était pas une soirée payante, parce qu'à la fin, il y avait un chapeau. Et donc, j'étais à la porte avec une autre fille qui était passée et qui avait cartonné. Et donc, ma psy est sortie. D'abord, elle ne m'a pas vue, donc elle voyait juste la fille à côté. Elle lui dit, ah, c'était super bien, j'ai adoré. Puis je vois qu'elle croise mon regard, et elle évite mon regard, et elle dit rien, elle dit juste mon prénom, elle dit Lisa. Et puis elle s'en va. Ouais. C'est tellement plus violent que n'importe quelle réaction. Ouais. Mais je sais pas, mais le problème, c'est que là, la façon dont elle a réagi, c'est le genre de truc pour lequel il faut un psy derrière, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'elle essayait pas de te faire reprendre des séances chez elle? Probablement, ouais. Ouais. J'avoue que c'est gratiné comme expérience. Je pense que tu t'en veux pas à toi par rapport à ta prestation. Non. C'est juste le fait que dans la salle, il y avait quelqu'un qui n'aurait pas dû être là au final. Ouais, c'est Ah, ça. mais... Mais En tout cas, belle anecdote. Je te remercie. Vraiment, c'est super cool. avec plaisir. On salue ta psy, hein, évidemment. Enfin, ton Ouais, ex-psy. bien sûr, on la salue, ouais. En plus, je vais pas en dire trop, mais c'est une personne que je croise. C'est pas la première fois que je la croise hors cabinet. Peut-être qu'elle te suit, non? Je pense que j'ai une première fan. Ah ben, tu vois, d'où l'expression « je me fais suivre Exactement. ». Ben oui. Wow! Bon. Bon, en tout cas, ben, merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben, on peut me retrouver sur Facebook, on peut me retrouver sur Instagram. Ok, ben merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bisous à tous, même à toi là-bas.